Sans risque et sans saveur.

maison, bercée par mon passé. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.

Stéphanie. Je me demande encore comment passe ta vie. Donc, eh bien, Lénis Ledreau, et puis donc Jean Ferrat avec La Montagne. Est-ce que tu te rappelles, oh Stéphanie, le temps a mis des rides sur mes souvenirs. De temps en temps, est-ce que tu te rappelles? Mais le temps s'en va, l'amour s'en va, la vie s'en va. Ma folle jeunesse ne reviendra pas. Mais dans quel pays es-tu allé vivre ta vie? Oublier l'amour que l'on s'était promis. Reviennent les roses, les jasmins et les lilas. Ma folle jeunesse ne reviendra pas. Que s'est-il passé de ça, je ne m'en souviens plus. Mais je sais qu'un jour, nous nous sommes perdus. Oh, Stéphanie. Passe ta vie de temps en temps. Est-ce que tu te rappelles? Moi j'ai tout perdu, mais toi tu peux garder longtemps. Au fond de ton cœur, nos amours de 15 ans. Et si notre amour pour toi est un doux souvenir, ne le dis jamais, tu le ferais mourir. Ma vie a changé, mais j'ai tant besoin de penser qu'au fond de ta mémoire, tu gardes mon passé. Un soir dans le noir, peut-être bien tu seras là. Moi je chanterai, je ne le saurais pas. Oh Stéphanie, ton cœur est guéri, surtout pardonne-moi et prie pour moi, oh Stéphanie. Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires. De quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà, moi je vous laisse avec deux titres portugaises. Le premier, un petit bonjour à Florian. Et puis le deuxième titre, un petit bonjour à Amilio. Voilà donc les titres portugais. São perfeitos. Hoje os homens já não são iguais. Hoje já não sei do que são feitos. E são eles todos tão banais. Hoje para mim os homens estão diferentes. Hoje os homens estão a mudar. Hoje já não sou como eram antes. Mas onde é que isto vai parar? Ai, ai, ai, ai. E o que me aflige, minha gente? Ai, ai, ai, ai. É que não há homens como antigamente. Minha gente, como antigamente, como antigamente. Não me sabe igual. Não há não senhor, não há não senhor. Não, mas minha gente. porta. A nossa fadista está numa de ir embora. Diz ela que não canta se não for para dançar. Fala pouco adianta, pois responde a cantar. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Desculpa lá, turista, também sinto aquilo que sente. A ingrata fadista acha que hoje isto é diferente. Fruta cristalizada diz que é só no bolo rei. Já nos mandou a fava e canta por aí que eu sei. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. É sétima fadista com esta exigência. Querem abanar o fado e nós dizemos que não. Mas o fado abananado já só pega de abanão. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há. Estou fechada para balanço. Voici donc Alexandra Musard. Et puis juste après Céline. Céline, voilà. Je m'étais rien.

était loin d'ici. En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. rejoindre les dormeurs. Demain tout recommencera. Triste sort des travailleurs. Apportez-moi plutôt du rhum. Je veux sentir mon sang tourner et mettre dans cette nuit toute la fureur gypsy. Je suis une gitane, les pieds dans le sable. J'ai des guitares autour, j'ai des roses partout. Je suis une gitane, j'ai l'ardeur des feux de zigane. J'ai des guitares autour, j'ai des roses. Danser à me vendre sur le rythme de Manita. L'univers est si près quand le soleil est couché. Je suis allée si loin quand la fièvre m'a emportée. Depuis mon ciel est orange, mes jupes sont à volant. Et ce qui coule sous ma peau, c'est du vin du flamenco. Apportez-moi un verre de rhum. Je veux sentir mon sang tourner et mettre dans cette nuit de la fureur. Je suis une gitane, les pieds dans le sable. J'ai des guitares autour et des roses partout. Je suis une gitane, j'ai l'air des feux d'Igane. J'ai des guitares autour et des roses partout. Les meufs frappent les guitares, le tempo d'une cabale. Vois des cheveux fous sur le sol andalou, accrochés à leur crinière, un peuple légendaire, des hommes burinés par le vent de la liberté. Depuis mon ciel est orange, mes jupes sont à volant, et ce qui coule sous ma peau, c'est du vin du flamenco. Apportez-moi un verre de rhum, je veux sentir mon sang tourner et mettre dans cette nuit toute la fureur. Chez Lens. Eh, tu veux du miel? Eh, Bobo, cause normalement avec cet accent de Paris beau là. Tu tiens tout droit. Vous chiez, vous êtes la tisane. Quoi, je suis pas ti. Chichetti, fermé de kiff. Parce que. Mi, je suis ch'ti. Dans une région où il y a des TV, nos maisons elles sont rouges, il y a des baraques à frères. Ma mère est au mineur et mère est couturière. J'ai pas qu'un pot de soleil, j'ai d'un cœur, j'ai pareil. Et ben évidemment, je vous cause du Nord-Pas-de-Calais. Et ben évidemment, je vous cause du Nord-Pas-de-Calais. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis fier d'être ch'ti. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis fier d'être ch'ti. Et j'suis fier d'être ch'ti. Et j'suis fier d'être ch'ti. Hein? T'es deux. J'ai pas le 1, 2, 1, 2, 3. Hein? Faut que je sorte de love et de juice. Hein? Bravo, Bilou! Tata va faire la fête, elle fait pas à moitié. Elle aime chez Fricandel, un bon bien bien glacé. Chez nous il y a la mer, avec chez Cher Volant. Carnaval Dunkerque et un petit kéké. Et ben évidemment, je vous pose du Nord-Pas-de-Calais. Et ben évidemment, je vous pose du Nord-Pas-de-Calais. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis fier d'être ch'ti. Michichi, un faut pas rogner ses rachines. Et quand t'es bien ici, c'est vrai que t'es vrai de faux. Une fois que t'es arrivé, qu'elle va t'en aller. Chic est pas compliqué, viens ici un bidou. T'es mot pas d'une région sinon. Ben t'as une tête de vivre. Et ben évidemment, j'vous cause, tu n'as pas de calais. Et ben évidemment, j'vous cause, tu n'as pas de calais. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis fier d'être ch'ti. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis fier d'être ch'ti. Et j'suis fier d'être ch'ti. Je suis fière d'être ch'ti. Allez, touche à simple. Et tu l'as beau, reste avec tes gros ballons là. Les flics, ils restent comme jolis. Vas-y, prends ta torchon, attrape ta voisin. Suffit de le faire tourner, tout à haut de jet. Et de gesticuler, et c'est pas haute moquette. Michichi, un ch'ti. Michichi, et je suis fière d'être ch'ti. Michichi, un ch'ti. Michichi, et je suis fière d'être ch'ti. Et je suis fière d'être ch'ti. Et ouais, Biloutin. L'indifférence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Atenção, minha gente, que vai a Mercerino! Divorciada. Eu sou casado e não vai há muito tempo com uma garota de perto da região. O seu olhar lança um encantamento que de repente agarra o meu coração. Então casamos e compramos uma casa muito engraçada e fácil de arrumar. Mas mesmo assim começou o rebuliço. Ela disse deixa disso, não nasci para trabalhar. Mas mesmo assim começou o rebuliço. Ela disse deixa disso, não nasci para trabalhar. Divorciada. Cheguei a casa, fiquei logo chateado ao deparar-me com tão grande confusão. O meu casaco preferido mal lavado, camisas novas espalhadas pelo chão. Eu ainda bem me passei-me da cabeça. Eu nem bem ela dois acalados e a chorar agarrou-se muito a mim. Se continuas assim acabamos separados. E a chorar agarrou-se muito a mim. Se continuas assim acabamos separados. Vai a Mercerino, vai a Mercerino. E acabo chateado porque a mulher não faz nada. Vai a Mercerino, vai a Mercerino. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Vai a Mercerino, vai a Mercerino. E acabo chateado porque a mulher não faz nada. Vai a Mercerino, vai a Mercerino. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Vai a berçarilho, vai a berçar a molhada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Vai a berçarilho, vai a berçar a molhada. Chega de chatear porque a mulher não faz nada. Vai a berçarilho, vai a berçar a molhada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. O apaixonado, eu fico louco. Ma querida, elle n'a rien d'une fille qu'on oublie. Elle ressemble à l'amour. Je l'ai compris dans son regard. Ma querida. Je pourrais continuer ma vie dans ces allers-retours. Même le fleurir, je n'ose pas. Elle me dit souvent ces mots qui me restent dans la peau. Alors j'imagine des mélodies qui cantent à elle. Elle est sur scène, l'ombre et la lumière. Elle danse toujours. Je la vois tourner jour après jour. Elle sent la toucher. La nuit, le jour, je l'aime. Trouver la force de lui cacher toutes mes envies. Ma querida. Pour éviter des cicatrices, de briser mon écorce, de toucher son corps, je m'interdis. Ma querida. Quand elle me tourne le dos, moi je reste à fleur de peau. J'ai mal et je paye encore le prix de vivre pour elle.

right there. A diamond that shines like a star in the sky is nothing to behold. For minuscule is any light if it can't like you brighten the soul. For your love I would do anything just to see the smile upon your face. For your love I would go anywhere, just you tell me and right there. Oh, yeah. Oh, yeah. I could have never fathomed this, such your loving tenderness that you give to me. Yeah. Voici donc Isa Prévat et puis juste après Nel Perso. Donne-moi du temps pour entendre, donne-moi du temps pour apprendre, donne-moi ce temps de vie pour comprendre, prendre le temps d'exister, prendre le temps de vibrer, prendre ce temps de vie pour aimer. Et si je pouvais sans souffrance, de voir des hommes se comprendre, de voir des hommes respecter ce monde. Et si nos vies étaient simples à vivre, comme un enfant qui court en riant. Et si je pouvais venir dans ton monde et contempler moi le

c'est donc Isa Aura, et puis juste après, on écoutera tout simplement Pierre Mackenzie. Encore une nuit d'insomnie, foutue maladie, la fatigue t'envahit. Pourtant, pour vivre, vivre. Difficile de lutter, ne pas abandonner. Le combat fut si fort, tu veux y croire encore. Triste réalité. Le mal s'est propagé, tes jours sont comptés, tu vas nous quitter. Pas toi, non pas toi, ne m'abandonne pas. Pas toi, non pas toi, comment vivre sans toi. Au Picoutsi, de la psycho à la salle. du madame de Aubenzi. Just you and me, yes. Jump in a deep place, jump in a deep place. Ce soir on le fait à l'ancienne. Vas-y, jump, jump, jump, move your body. Lady, lady, lady. Ce soir, pas, pas, pas, copine, pas le DJ. C'est just you and me, let's go. Vas-y, bouge ton body, bouge ton body. Move your body, move your body. Bouge ton body, bouge ton body. Pour toute la night, vas-y. Écoute le reste, just for you baby. Ce soir c'est toi et moi. Alors lâche-toi. Vas-y, bouge ton body, bouge ton body. Move your body, move your body. Bouge ton body, bouge ton body. Pour toute la night. Vas-y, bouge ton body, bouge ton body. Move your body, move your body. Bouge ton body, bouge ton body. Pour toute la night. Je ne saurais jamais comment vibre à travers moi. Je me sens que tu saisis ta chance et qu'on subsiste, toi comme moi. J'étais dans la peau, bébé. C'était pas normal, bébé. C'est comme si un jour t'étais rentré dans ma tête. C'est comme si un jour je devenais obsolète. Depuis que tu es là, y'a quelque chose en moi. Une force, une puissance, un je ne sais quoi. T'es ma soul, t'es ma soul, t'es ma soul, mais hey, you only one for me. You're my soul, mate. My soul, mate. You are the only one of my life. You're my soul, mate. My soul, mate. You are the only one for me, yeah. Tu es intemporel, moi éternel. Ma flamme intérieure ne brûle que pour toi. Tu me rends meilleur. Je renais dans tes bras. Tu es devenu celle qui guérit ma haine. J'oublie ma douleur pour la première fois. Rien ni personne ne nous séparera. You're my soulmate, my soulmate. Voici donc Billy, c'est chanté par Séverine. Donnez-moi le monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. Donnez-moi des choses indignes à ceux qui vont souffrir pendant que nous dansons. Toi qui habites mon cœur pour doubler mon bonheur, il suffirait demain que ce monde en déchirure pour guérir ses blessures se trouve un magicien. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment quand nous nous aimons, les magiciens reviendront. Je suis né près de la source et j'ai vu la grande ours au ciel de ma maison. J'ai rencontré des bergers qui m'ont fait voyager bien plus que de raison. Et s'il existe là-bas des coins où quelquefois les déserts vont fleurir, c'est que tout est dans nos mains et c'est qu'on ne peut rien pour arrêter la vie. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous nous aimons, les magiciens reviendront. Donnez-moi le monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. Pendant que nous dansons, s'il y a des faiseurs de pluie, on peut trouver aussi des faiseurs de beau temps. Donnez-leur le monde un jour, vous verrez que l'amour, ça peut durer longtemps. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment quand nous nous aimons, les magiciens reviendront. Si les gens s'aiment quand nous nous aimons, les magiciens reviendront. Si un jour tu le perds. Voici tout simplement Marie Beau et puis suivi de Ophélie Morival. Se repère entre nos deux âmes. Si un jour elle te fuit, l'étincelle qui m'allume, si ne flotte plus dans la nuit, cette tension de pleine lune, si tes mots deviennent lisses, quitte-moi.

Merci pour la hauteur du voyage. Merci d'être là pour les rêves et les rires et les rages. Le passé, le présent, le passage. Oh merci d'être là et d'être toi. D'être là et d'être toi. Malgré nos rires, nos maladies, nos erreurs et les rien compris, traverser sans la seconde. D'amour, d'espoir, de gloire, pour ne pas voir la mort qui nous guette. Alors qu'à tout moment, la vie s'arrête à tout moment. Pourquoi vivre et mourir si vite? Pourquoi la vie et nos vies nous quittent? Pourquoi le vent ne nous parle pas de l'espace-temps? Dans cet espace illimité, comment attendre le trépas? Quelle est sa loi? Ça veut dire quoi? Quand le bonheur nous s'inonde et y voir la fin de ce monde. Grandir, mourir, chercher à prendre, dormir, sentir ou souffrir. Toute une vie pour. Partir avant qu'il soit trop tard, promis juré. se priver d'être nous, de faire ce qu'on fait de mieux, puisque mes espoirs les plus fous vivront à travers vos yeux. Vos vies jurées, tout ira mieux demain. Vos vies jurées, vos vies jurées. Attendons l'aube, si tu veux bien, tout ira mieux demain. Una paloma una vez me dijo que no la dejara volar, que la llevara a ver la puesta del sol a la orilla del mar, que le acariciara la pluma cada vez que se quisiera escapar, y que ella por siempre y para siempre de mi mano el pan puede picar. Una paloma. Que j'ai toujours aimé, j'ai tellement rêvé de t'avoir entre mes bras, de voler avec toi à Kilimanjaro. C'est Lolita, c'est ta Lolita. Tu es toujours pour moi la plus jolie des fleurs. C'est Lolita, oui ta Lolita. Tu resteras pour moi la princesse de ma vie. Briller sur page. Avec tes mains, ton courage. Tout ça pour me protéger. Tu pars au petit matin, juste gagner notre pain. Moi sur les bancs. Voici avec Ocarina 2. Voilà, on va se retrouver donc eh bien prochaine fois. Voilà donc eh bien si vendredi entre 14h et 17h avec l'émission Souvenir. Et on va terminer donc eh bien l'émission avec l'Élise. Le titre s'appelle tout simplement Un déclic. Donc on se retrouve prochainement. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je fais ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me mettre sur